boîtier pourront notamment se prononcer sur les problèmes de santé générés par ce fameux obus et le petit boîtier taxe kilométrique. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Merci d'avoir commenté ce matin et à demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Ils ne veulent plus d'une justice du 19e siècle. Les magistrats, le personnel des grèves soutenu par les avocats en arrêt de travail ce matin pendant une demi-heure sur les marches des palais de justice dans tout le pays pour dénoncer le manque de moyens, de personnel aussi. Pas de grève, mais des audiences qui sont reportées. À Charleroi, ce sont quelques 200 magistrats qui se sont ainsi retrouvés dans le hall du palais de justice. Ils étaient soutenus ici dans leur action par les gardiens de la prison de Jamiou. Les travaux d'évacuation des wagons accidentés à Saint-Georges-sur-Meuse, les deuxième et troisième wagons du train de voyageurs qui a embouti hier un train de marchandises faisant 3 morts et 5 blessés qui sont toujours hospitalisés à l'heure actuelle. L'opération devrait prendre une partie de la journée selon Infrabel qui gère le réseau. Il faudra ensuite réparer les dégâts, remplacer des rails abîmés. En attendant, des navettes de bus assurent toujours la liaison entre Flémalle et Huy. En ce qui concerne l'enquête, des devoirs doivent encore être menés aujourd'hui pour récupérer la boîte noire notamment. La grève des poubelles se poursuit dans les régions de Mons, Borinage et du Centre, au moins jusqu'à vendredi. Décision prise ce matin par les éboueurs de l'intercommunale IGA. Ils se sont réunis ce matin en assemblée. Cela fait une semaine maintenant que le mouvement a démarré. Ici aussi pour protester contre les mesures du gouvernement fédéral. Et puis toujours dans la région de Mons, cette grève qui va durer 2 jours dans les écoles du réseau officiel, tout niveau confondu. Un mouvement qui est bien suivi, qui concerne quelques 150 écoles, une action à l'appel de la CGSP, les examens de réto, les examens dans le supérieur ainsi que les épreuves qui impliquent des jurys externes sont maintenues. Cette action est également dirigée contre les mesures du gouvernement dont le saut d'index ou encore la flexibilité du temps de travail. Et puis en ce qui concerne la grève des techs, notons la reprise du travail décidée à Charleroi, une reprise annoncée pour demain. L'actualité internationale marquée par cet attentat à la voiture piégée ce matin à Istanbul. Au moins 11 personnes ont été tuées, une quarantaine d'autres blessées. La voiture a explosé au passage de 2 bus de la police turque. Cela s'est passé dans le centre d'Istanbul. Une dizaine de policiers figurent parmi les victimes. La météo avec de nouvelles averses orageuses attendues ce mardi. Elles concerneront pas mal de régions encore et elles seront accompagnées de grêles souvent et de fortes rafales de vent. On attend également pas mal de pluie par endroit, maxima toujours très chaud entre 20 et 28 degrés. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, toujours des barrages dans la région Tournai notamment. Exactement, sur la nationale 50, Mons Courtrai à hauteur de Froyenne. C'est en direction de l'E42, il est présent depuis tôt ce matin. Second barrage présent depuis tôt ce matin, c'est à Ramunichien en direction de Courtrai, toujours sur cette nationale 50. Quelques ralentissements encore dans le centre de Bruxelles entre les tunnels Reyers-Montgomery et Georges-Henri vers Montgomery et la Cambre. Et puis un accident s'est produit sur le 313 en Verse-Liège à hauteur d'Asselt-Ouest. L'entrave est encore inconnue. Une équipe de la police se rend sur place, mais sachez déjà que c'est en direction de Liège. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La matinée se poursuit sur Viva avec toute l'équipe des pigeons. Merci Marianne, retour de l'info à midi. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Personne n'est en short. Pourtant il fait super beau. Et tongue. Non, on rien. On va plus venir en short et en tongue. Non, on va pas le faire quand même parce qu'il fait un petit peu froid quand même mine de rien dans ce studio. J'espère que vous vous êtes au bureau en short et en tongue. Pourquoi pas. Ou au bord de la piscine. Envoyez des photos. Tiens, si c'est le cas. Oh, aujourd'hui oui. Au programme des 2 prochaines heures sur Vivacité, on va tenter de régler le problème d'Emmanuel qui a acheté un lave-vaisselle au mois de mars dernier. Frédéric, il a un petit souci, hein, mais le fabricant refuse de faire intervenir la garantie. Voilà. On est chez Electrolux de la qualité, mais après un mois on l'a retrouvé trouvé une petite vis dans le lave-vaisselle. Alors, qui a mis cette vis? Electrolux prétend que c'est manuel et donc pas de garantie après que les ailettes soient tombées en panne. On va intervenir. Dans le journal. On va intervenir. Dans le journal de la Conso Aurore, on apprend qu'une fuite d'eau, ça peut coûter très cher. Avec l'exemple d'une famille qui a quand même une facture de 32 000 euros. Ah, waouh! Pour l'eau à cause d'une fuite d'eau. Ah, ça c'est. On rit, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Paul-Henri, lui, il a décidé un problème de vessie, mon petit bonhomme. Faire pipi dans le jardin, lui. Oui, en dosant le pipi, il y a moyen de faire du bien aux plantes. Sérieux? Ah, mais non, c'est assez complexe, mais. C'est un engrais naturel, c'est clair. Et puis on a envoyé Anne-Laure et Hubert tester la nouvelle attraction à Walibi, le Pulsar. On va appeler Hubert dans quelques minutes. Et Anne-Laure aussi. On appellera les deux. Voir un peu s'ils ont la trouille. Ah, Hubert, je l'ai vu ce matin, je peux vous dire qu'il n'était pas très franc d'y aller. Il n'a pas fait pipi dans le jardin, dans sa culotte directement. Oui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, vous pouvez nous envoyer donc vos photos de mollets et de shorts sur la page On n'est pas des pigeons. Oui, mais il faut qu'il y ait un rapport avec le bureau, on doit voir l'écran d'ordinateur. Mais si monsieur est dans le jardin ou madame dans la cuisine. T'as raison. Vous avez vu déjà le cliché, monsieur dans le jardin, madame dans la cuisine. Bref. Ou l'inverse. Oui. Bref, envoyez-nous tout ce que vous voulez sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Par mail, c'est pigeon@rtbf.be. Et si vous voulez laisser un message sur le répondeur, vous pouvez le faire au 070 222 660. On est partant aussi pour des mollets poilus dans la cuisine. Oui. Il faut pas dire que c'est madame, alors faut pas capter. On est d'accord. Côté musique, il y aura Coldplay. On pensera déjà au week-end avec ce morceau qui est l'hymne du week-end, Coldplay. Il y aura côté souvenir Queen. Ça, c'est pour le programme des pigeons, dans la première heure en tout cas, c'est ce qui vous attend. On est ensemble pendant 2 heures, bienvenue tout le monde. Thank you. Shame avec la malice. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. De nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, si vous étiez avec nous sur le coup de midi 10, vous avez entendu Robert Rémy, notre ami du lundi. Robert qui donnait quelques explications sur le pain. Et ça, ça vous a excité, hein, sur la page Facebook. Oui, oui. On vous demandait notamment si le pain, vous, pour vous, c'est plutôt maison ou boulangerie. Eric nous écrit boulangerie, bien sûr, mais les bonnes boulangeries artisanales sont de plus en plus rares. Jocelyne nous explique que ça fait une bonne vingtaine d'années qu'elle fait son pain elle-même avec une machine à pain. Lorenza nous dit « Pour moi, c'est boulangerie et maison. Je n'imaginais pas qu'autant de personnes faisaient leur pain maison. » C'est vrai que quand on voit sur la page Facebook, on a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens. Et puis, on a par exemple Florence aussi qui nous écrit. On fait démarrer la machine le soir en différé. Il est prêt le matin au lever, tout chaud et délicieux. Et Gérardo, lui, nous donne un conseil pour avoir du pain frais. Qu'est-ce qu'il dit, Gérardo ? Laissez le pain dans son sac papier, mettez-le comme ça dans un sac plastique fermé, dans le bac à légumes, pain frais tous les jours garanti. Oui, mais pourquoi pas ? C'est une technique comme une autre. Hier en télé, on vous a parlé de la facture à la maternité. Il y a les langes, il y a les thermomètres qui sont placés dans la chambre. Tout ça, ça a un prix et ça coûte très cher souvent. Oui, pas mal de témoignages sur la page Facebook. Celui de Maïté, par exemple. Moi, on m'a prévenu à chaque fois à la sortie de l'hôpital que tout était payant et donc qu'il fallait emporter tout ce qui restait. Emmanuel nous dit « Je suis française. Quand j'ai accouché en Belgique, personne ne m'a prévenu à part ma facture. » Quand on nous dit de ne pas prendre de couches pour la maternité lors des préparations aux accouchements, c'est parce que la facture vient ensuite. De l'autre côté de la frontière, je n'aurais pas déboursé un centime. Et enfin Sabrina, j'ai eu un paquet de langes, du gel de bain, des lingettes, un thermomètre, des vitamines, des compresses d'allaitement et je n'ai rien payé. Quand j'ai reçu la facture 0€ dessus, peut-être que l'assurance hospitalisation a pris ça en charge. Frédéric, voilà, on ne le dit jamais assez, mais il n'y a pas de devis préalable lors d'un accouchement et donc la surprise est là quand la facture arrive. Ça reste un gros problème, surtout du côté francophone. Il faut un devis, mince, quand on achète une voiture, on sait combien on va payer. Quand on soigne, il n'y a pas de raison que ça en aille autrement. Hubert hier nous donnait des trucs pour lutter contre les limaces, le fléau de nos jardins. Eh ben, on se doutait que vous alliez aussi nous donner vos trucs à vous. Oui, alors Colette, elle nous dit qu'il y a comme système anti-limaces les coquilles d'œufs émiettées. L'avantage, c'est que ça résiste à la pluie, contrairement au sable ou à la cendre. Mais il faut quand même manger beaucoup d'œufs pour avoir les coquilles. Alberto, lui, nous parle de graines de fond de cage d'oiseaux, de coquilles d'huîtres ou de moules, de pelures de concombres. Pourquoi et nous donne aussi une petite recette. Fous ses poubelles dans le jardin, quoi, en gros. Oui, c'est à peu près ça. Il fait aussi macérer des tiges d'épinards plusieurs jours dans de l'eau et il pulvérise autour des plantes. Il paraît que ça marche bien. Et puis le bon plan de Jean, une fois les limaces coupées, puisque souvenez-vous, Hubert nous disait qu'il fallait couper les limaces. Une fois qu'elles sont coupées, vous mélangez avec de la cassonade. D'après ma grand-mère... Si. D'après ma grand-mère, j'ai 71 ans, donc je suis plus âgée qu'Hubert, cela constitue un excellent sirop pour la toux. Non, parlait hier avec Paul Henry, c'est un remède de grand-mère, le sirop pour la toux à la limace. La grand-mère a 110 ans, il paraît. Oui, très bon. Attendant, je préfère le remettre du pharmacien. Juste un petit peu lentement. Bon. Si vous avez d'autres trucs à nous dire, c'est sur la page Facebook, mais vous pouvez rentrer en contact avec la rédaction de bien d'autres manières aussi, Aurore. Oui, vous pouvez nous envoyer un message, un mail, l'adresse pigeon au pluriel à rtbf.be. Un SMS au 3063 ou sur le répondeur 070 222 660. Julian Peretta arrive et puis nous aurons un problème de lave-vaisselle et de garantie à régler dans quelques minutes. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme les brochettes de bœuf origine Belgique en 3 plus 1 gratis. Et il vous reste encore une semaine pour remporter votre kit supporter gratuit. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les temps de Quechua se montent et se démontent en 2 temps 3 mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé, les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Les commerçants du centre commercial de Barchon et les commerçants avoisinants vous accueillent du jeudi 9 au dimanche 12 juin pour leur grande braderie annuelle. Profitez de nombreuses promotions. Exceptionnellement, les commerces seront ouverts dimanche 12 juin toute la journée. Bonjour, c'est Jason Denayer. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Dès le 10 juin sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec l'équipe de Complètement Foot. Watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle at every beat of my heart. Every beat of my heart. C'était Julian Peretta sur Vivacité. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Daumesnil. Il est 11h17, on accueille Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Votre histoire date de mars 2016. Là, vous vous dites, tiens, j'achèterais bien un nouveau lave-vaisselle. Exactement. Donc début mars, j'achète un lave-vaisselle chez un revendeur bien connu. Creffel, on peut le dire. Chez Creffel, oui, voilà. Et donc, d'ailleurs, je prends une extension de garantie à l'occasion. Donc, j'ai une garantie de 5 ans. Donc, c'est un lave-vaisselle Electrolux. Je l'installe chez moi. Il fonctionne tout à fait bien. Au bout d'un mois, il y a un problème. Le lave-vaisselle ne fonctionne plus du tout. Je recontacte le revendeur qui me met en contact avec le service après-vente d'Electrolux. Logique. Et voilà, normal. Donc, 2 semaines après, le réparateur vient. Il regarde, effectivement, ça fonctionne pas. Il démonte le lave-vaisselle et retrouve au niveau des petites ailettes de la pompe à eau, ouais, une vis qui est coincée. Ah. Donc, il me dit, ben voilà, c'est une vis qui est coincée. C'est vous qui avez probablement dû mettre une vis dans votre lave-vaisselle. Et ça rend la pompe inefficace. C'est dû à une malutilisation. Donc, c'est de votre faute, en d'autres termes. Donc, pas de garantie. Voilà. Ben, donc, pas de garantie. Et donc, la réparation à payer. Bah, et combien le 80 euros à peu près. Ouais, mais enfin, c'est un lave-vaisselle qui a un mois à ce moment-là. Et puis pourquoi est-ce que vous avez mis une vis dans votre lave-vaisselle? Oui, qu'est-ce qui vous est passé par la tout tête? Tout le monde fait ça, mais tout le monde fait ça quand même. On stocke ses vis dans son lave-vaisselle. Surtout que c'est une vis un peu particulière, c'est exactement la même vis que les vis de fixation du bac de rinçage. D'accord, ok. Ce que me confirme le réparateur, d'ailleurs je lui demande de me signer un petit papier parce que je sentais bien que la garantie n'allait pas intervenir parce que le réparateur me disait que c'était dû à une malutilisation du lave-vaisselle. Oui, mais il s'est bien rendu compte que c'était une vis qui faisait partie du lave-vaisselle ou qui ressemblait très fort à celle qui était dans le lave-vaisselle. C'était exactement les vis qui servent aux fixations du bac de rinçage. Mais il ne manquait aucune vis dans votre lave-vaisselle, c'était ça le problème. Il n'en manquait aucune, donc pour lui, voilà, c'était lié à une malutilisation. Mais moi, j'ai pas mis de vis. En plus, je suis célibataire, donc j'ai utilisé ce lave-vaisselle 5 ou 6 fois en un mois, même pas okay. Un petit peu plus d'une fois par semaine. Et donc, Electrolux voulait rien entendre, quoi. Ah, j'ai écrit plusieurs fois Electrolux qui ont dit que c'est dû à une malutilisation. On retrouve une vis, même si elle est identique au vis de fixation du bac de rinçage. Surtout que c'est des vis un peu particulières, c'est des vis dans lequel ouais, le truc un peu professionnel quoi. C'est pas le truc en croix qu'on a l'habitude de d'utiliser nous quand on est un peu bricoleur du dimanche. Voilà, c'est pas une vis avec une pointe qui permet d'enfoncer quelque chose. C'est vraiment des vis tout à fait particulières qui servent à fixer les bacs de rein. Vous savez ce qu'on va faire, Emmanuel? On va téléphoner à Elvis. Non, on va téléphoner à Electrolux. Direction le service après-vente d'Electrolux. On a le responsable Antonio Ferrara en ligne. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ferrara. Bon, dites. Ce genre de problème, c'est courant sur les lave-vaisselles Electrolux? Non, pas du tout. C'est vraiment un cas unique que je viens d'apprendre il y a un jour, que je viens d'avoir un dossier. Et en effet, j'ai contacté immédiatement le technicien. Ouais. Et d'après l'analyse qu'on a pu apporter et que la vis n'était pas du tout une vis en dehors de l'appareil, c'était bien une vis qui a été oubliée par au montage alors. Au moment du montage. Ah d'accord. Cette vis a tombé à l'intérieur. Ça change la donne, ça alors. Ah bien sûr. La première chose que je me suis permis de faire, c'est directement de créditer la facture. Ouais. C'est la première chose. 80 €, donc ça, vous ne les demandez plus à Emmanuel? Pas du tout. Il va recevoir une note de crédit. Et tous mes excuses à ce sujet, j'ai dû enguirlander un tout petit peu le technicien, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de prendre une initiative pareille sans consulter un responsable, de dire voilà, est-ce que j'ai bien fait. Il faut dire que c'est un jeune technicien qui est depuis un an chez nous, et ça peut arriver. C'est une erreur de jeunesse. Ça peut arriver. Donc c'est une bonne nouvelle, ça, Emmanuel. Donc, quelque part, affaire résolue, pas de facture à payer. 80 € que vous allez récupérer, donc ça va vous être crédité, Emmanuel. Okay, Antonio, est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire pour votre défense? Oui, vous pouvez dire à M. Emmanuel là, que pour tous les inconvénients qu'il a, je vais lui échanger l'appareil pour enlever tous les préjudices et compagnie, et pour je lui donne un nouveau lave-vaisselle. Avec une vis dedans? Carrément, un nouveau lave-vaisselle. Alors là, Emmanuel. Le lave-vaisselle fonctionne très bien au demeurant. Oui, mais je lui donne un nouveau lave-vaisselle, même si vous voulez, la gamme supérieure. Ah, ça c'est clair. Oui, et si on reste 5 minutes en plus avec Antonio, vous allez avoir une nouvelle cuisine. Hein. Donc, ouais, ça peut arriver. Si maintenant, il met le prix, on va avoir une nouvelle cuisine. Bah, ça, non, c'est non, plutôt. C'est... Parce que c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Et il faut dire que le technicien, c'est. Il fait une petite bêtise. Et vous avez fait un geste, ma foi, qui vous convient, Emmanuel? Oh, c'est très bien. Mais je dois ajouter que le technicien était vraiment charmant. C'est vraiment par la suite, le service après-vente auquel j'ai eu plein de personnes différentes à qui j'ai raconté mon histoire. Une fois, l'un disait « Ah oui, ben, je peux comprendre, on va essayer d'arranger ça ». Puis d'un autre côté, le technicien était vraiment, vraiment charmant. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Il dit « Tous les vis sont là pour moi, ouais, c'est une vis qui vient d'ailleurs ». Mais il vous a quand même taxé 80 €. Il est sympa, mais... Oui. C'est surtout le service après-vente d'Electrolux qui a été un petit peu... Mais on a le responsable en ligne, Monsieur Ferrara, vous dites quoi? Non, je dis une On s'arrête s'il y a une machine s'il y a une machine à laver en plus. il faut dire qu'on doit se baser quand même sur le diagnostic du technicien. Ben oui, évidemment. Il dit qu'il y a une vis dedans. Mais maintenant, la première chose qu'il devait faire, c'est de voir que la même vis appartenait à la partie supérieure du filtre. Et il voyait directement que c'était une vis inox. Et les vis en général qu'utilise un utilisateur normal, c'est des vis qui nous lient. Bah écoutez, affaire résolue. Et mieux que ça, résolue avec un bonus. Mieux que ça, merci au service après-vente d'Electrolux d'avoir réglé ce problème, Emmanuel. Vous voilà crédité de 80 € et d'un nouveau lave-vaisselle gamme supérieure. Si très bien. Donc, je vous remercie. Et toutes les excuses. Voilà, maintenant, affaire résolue. Si vous aussi, vous avez des petits soucis avec un service après-vente, parce qu'ici, c'était le cas en l'occurrence, vous pouvez toujours nous envoyer votre petite bafouille sur la page Facebook aussi. Oh, sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Par mail, c'est pigeon@rtbf.be pour l'adresse. Et vous pouvez aussi expliquer ça sur le répondeur 070-222-660. Le journal de la console, Inforoute, tout ça, après Queen et Bohemian Rhapsody. Jean-Fils à Verlaine. Actuellement chez Jean-Fils, conditions irrésistibles sur les cuisines équipées. Profitez de nos conditions printemps, remises complémentaires et de nombreux cadeaux offerts dans tous nos départements. Jean-Fils à Verlaine. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun. 75 souvenirs avec le groupe Queen et le titre Bohemian Rhapsody. On part sur les routes. Comment ça se passe de votre côté, Caroline Gillet? Eh bien, de mon côté, ça se passe plutôt bien, mais ça reste assez compliqué sur la Nationale 50 puisque des barrages sont en place depuis ce matin. Le premier est à hauteur de Froyenne et le second à hauteur de Ramenichien vers le 42. Et puis, un nouveau nous a été signalé à hauteur de Glin dans les deux directions. Tout sur la Nationale 50, patience si vous êtes dans les files. Plusieurs objets encombrants signalés sur le 42 Mons, Namur à hauteur de Gosselies. Ce sont des cônes de chantier qui se trouvent en direction de Namur. Soyez donc vigilants. Et puis, dernier ralentissement dans le centre de Bruxelles entre les tunnel Reyers-Montgomery et Georges-Henri en direction de Montgomery et la Cambre. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Avant le journal de la conso, petit détour par la page Facebook où on vous a demandé tout à l'heure de nous envoyer des photos de vous en short et en tongs parce qu'il fait beau dehors. Il y en a peut-être certains qui vont au boulot en short et en tongs. Oui. Photographier, envoyer. On en a reçu. Hein. Oui, moi je voulais des photos de mollets. C'est ce qu'a fait Marc. Il nous a même envoyé mieux que ça. Il est devant son ordinateur avec, on voit, un document de travail plein de ratures et ses pieds nus sur le bureau. Merci Marc. Merci Marc. Il faudra soigner cette vilaine mycose. Oh non, mais vous êtes fous, vous. Si vous en avez d'autres de photos, faites-le. N'hésitez hein, pas. La page Facebook, on n'est pas des pigeons. Allez, c'est le journal de la conso et une mauvaise nouvelle pour les propriétaires wallons de panneaux photovoltaïques. On apprend ça dans le soir aujourd'hui. Oui, dès 2018, ils devraient payer plus cher l'utilisation du réseau. Ça devrait leur coûter à peu près 200 euros de plus par an pour une installation classique. Actuellement, en Wallonie, les propriétaires de panneaux photovoltaïques ne contribuent pas aux frais de gestion du réseau. Or, ils l'utilisent quand même puisque l'énergie que leur panneau produit n'est pas utilisée en tant que telle. Elle est réinjectée dans le réseau sur lequel ils s'approvisionnent. C'est notamment grâce à ça que les familles continuent à avoir du courant, même si, par exemple, leurs panneaux ne produisent pas assez. Il y a une partie qui est consommée par eux-mêmes et une partie qui est renvoyée sur le réseau. Voilà, c'est ça. Mais donc, ils utilisent bel et bien le réseau et ils ne payent rien. Pour la partie en plus de la consommation personnelle. Ils ne payent rien pour ça. Donc, il y avait des petites discussions à ce sujet. Alors, je vous passe les détails, mais le gouvernement wallon est en train de mettre les choses en place pour que les propriétaires paient aussi donc pour l'utilisation du réseau. Et bonne nouvelle pour tous les autres, donc ceux qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques, la facture, du coup, devrait être réduite de 5,6%. Je suis un peu déçu. Les coûts seraient redistribués. Vous avez dit, je passe les détails, mais j'aurais bien voulu, moi, avoir les détails. Faudra que je vous parle de la COAP, la commission de régulation. Non, bah finalement, voilà, on va s'en passer. Mais si, c'est passionnant, allez-y. On poursuit avec une fuite d'eau qui peut coûter parfois très, très, très, très cher à lire dans la DH. Oui, un petit trou de 2 mm dans une canalisation d'eau représente une fuite de 192 litres d'eau par heure. Soit tu déconnes ? Le double de la consommation d'eau journalière moyenne par personne dans une famille belge. Or, selon une étude, 17% des Belges ont déjà dû faire face à une fuite d'eau. Le record, c'est une famille qui a dû négocier avec son distributeur pour que ce dernier fasse un geste. La facture d'eau s'élevait quand même à 32 302 euros. Entre 2000 et 2014, la consommation d'eau d'une famille moyenne est passée de 108 à 357 euros par an. Et là, sans fuite. On est à 5 euros le mètre cube maintenant, pour 1000 litres, 5 euros. On apprend aussi dans le journal le soir que le BIB, c'est quoi ça le BIB ? Le BIB a le vent en poupe. Mais c'est quoi le BIB ? Sébastien, ne faites pas comme si vous ne savez pas ce que c'est. Mais non, c'est quoi le BIB ? Le BIB pour Bag in Box, c'est le fameux Cubi. Hein ? La boîte à vin incontournable lors d'un barbecue, donc vous saviez. Hein ? Oui, bah évidemment. On oublie la vieille piquette, le Cubi, pardon, le Bag in Box renferme maintenant des vins de meilleure qualité. Du coup, eh bien, les ventes se portent bien, même très bien. Les BIB représentent entre 25 et 30% du marché, avec une moyenne de 4 euros le litre pour le vin. C'est surtout le rosé qui tire son épingle du jeu. En Cubi, il représente à lui seul 14,5% des ventes, donc c'est quand même beaucoup. Et de manière générale, bah, ça va plutôt bien pour le rosé, puisqu'en 2013, pour la première fois de l'histoire du monde, il s'est vendu en France plus de rosé que de blanc. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, avec la dernière tendance, c'est le vin rosé gastronomique. Oh, le vin rosé gastronomique, Frédéric. Celui que tu payes très cher. C'est un dossier communautaire, hein, les Wallons boivent deux fois plus de rosé que les Flamands qui boivent beaucoup plus de vin blanc. C'est dingue. Et alors, quand on a bu... Avec Fred, tout est toujours communautaire. Tout, tout, tout, tout, non, mais parfois. Une fois qu'on a bu beaucoup de vin, toujours avec modération, hein, c'est le copain qu'on invite au barbecue, qu'est-ce qu'on fait quand on a la vessie bien remplie ? T'enquête dans le jardin, on fait pipi sur place dans le jardin parce que c'est bien de faire pipi dans le jardin, Paul-Henri. Oui, c'est pas mal. On en parlera. Ça soulage. Oui, mais d'abord ça soulage et puis ça peut être intéressant pour les plantes. Bon, tu te fais engueuler par madame, mais il y a un argument derrière à faire valoir. C'est sûr. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On s'assied à table et on prend le bocal de cornichons. On met les doigts sur le couvercle. On serre bien fort, on tourne à gauche. Il faut qu'il lâche. Bien. Maintenant, les petits oignons. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Le

on allait faire pipi sur le gazon? Allons-y. Bon, allez, on y va. On n'est pas des pigeons. Non, mais on va le faire vraiment, hein. Je fais pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour arroser les limaces. Ah, les limaçons, moi, dans ma tête, c'était les limaçons. Enfin bref, mauvaise nouvelle pour les propriétaires wallons de panneaux photovoltaïques. Ça, c'était avant. Je change de page, je prends la bonne, c'est beaucoup mieux. Faire pipi sur le gazon pour embêter tous ces trucs-là, c'est vrai. Mais ça fait pousser les plantes aussi, Paul-Henri. Hein ? Vous avez même une histoire belge à nous raconter. Oui, eh bien en fait, je vais vous parler de la sortie d'un livre qui sortira demain dans nos librairies. Un livre sur un geste écologique qui est de transformer un déchet en un aliment pour les plantes. Le titre de ce livre, L'urine de l'or liquide au jardin. Ce livre, eh bien, Sébastien, il a été écrit par un Belge, ouais. Renaud Delose. Il est sorti en 81 de l'École Polytechnique de Bruxelles. Et puis, il s'est installé dans le sud de la France. Et aujourd'hui, il est pépiniériste à la Palmeraie des Alpes, en Isère, dans le sud de la France. C'est un ouvrage qui parle de l'urine, de l'or liquide au jardin. C'est le fruit de ses recherches sur les comportements des effluents organiques utilisés comme engrais bio-liquide. Bref, faire pipi dans le jardin, c'est bon pour les plantes, quoi, en gros. À mon avis, c'est un petit peu plus complexe que ça. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'auteur du livre qui est en ligne. Bonjour Renaud Delose. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir de vous entendre. Donc moi je suis un petit peu loin de chez vous, hein, 850 bornes. Ah bah, il fait beau chez vous. Ah oui, il fait impeccable. Bah, chez nous aussi. Deux impeccables. Dites, et pourquoi, alors, pourquoi l'urine est bonne pour les plantes? Ben, en fait, c'est un truc tout simple en fait. C'est que l'urine contient de l'urée. Et l'urée, c'est une forme d'azote qui est rapidement transformable en une forme assimilable par les plantes. Donc il faut à peine 15 jours pour que l'urée se transforme sur la forme d'azote que les plantes aiment bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours espacer de 15 jours les apports de ce type de produit. Donc ça veut dire qu'on doit faire, on doit faire une soirée bien arrosée tous les 15 jours, on fait pipi dans le jardin en rentrant et on ne se fera pas engueuler par madame. Et on ne se fera pas engueuler. C'est ça qui est le principe. On ne se fera pas engueuler si le gazon pousse bien, en fait. Oui, mais donc, du coup, tout simplement, c'est quand même un deuxième point important à dire, c'est qu'il y a également du phosphore dans l'urine. Et le phosphore est un élément qui va manquer, il y a pas mal de reportages là-dessus, et c'est un élément qui va manquer dans les 50 années, prochaines années. Et donc là, on a un gisement humain de partout, un gisement de phosphore assimilable pour les plantes. Renaud, votre livre, c'est vraiment un guide pratique. Vous donnez des recettes d'utilisation. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai oublié de dire encore une dernière chose, c'est que pour que l'urée se transforme en une forme assimilable par les plantes, il faut que le sol soit ce qu'on appelle amendé. C'est-à-dire qu'il y ait de la matière organique dans le sol, et cet amendement organique dans le sol, il est fait par les déchets ménagers que l'on va composter. Et donc c'est un guide pratique sur recycler ces déchets solides sous forme de compost et les déchets liquides sous forme d'engrais assimilables par les plantes. Oui, mais on fait quoi? On fait simplement pipi comme ça ou il faut diluer, il faut faire un truc, il y a une préparation? Alors, comme un engrais classique, soit on fait un apport avant les cultures, ou un engrais liquide, et il s'agit alors d'un apport en cours de culture. Et donc, quand c'est en cours de culture, il faut bien entendu effractionner et diluer. Et ça vaut pour tout type de plantes? Ah oui, ça vaut pour tout type de plantes, bien sûr. Il y a vraiment tout type de plantes. Après, il y a donc dans l'ouvrage, j'indique des dosages, parce que c'est clair que les besoins d'une salade ne sont pas les mêmes que les besoins d'une courgette ou d'une tomate. On fait pipi sur sa salade, hein, c'est quand même spécial. Non, on ne fait pas pipi sur sa salade, justement. En fait, on fait un apport d'engrais et pas sur la salade mais au pied des plantes. Ouais, en fait. C'est mieux. Bah alors maintenant, imaginons, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais des sportifs qui prennent des substances et qui se dopent. Est-ce que la salade va pousser plus vite? Est-ce que les plantes vont pousser plus vite? Elles seront plus grosses? Bon, mais moi je posais une autre question. Le sportif en question, oui. Qui va au WC comme on dit. Les résidus médicamenteux, ils vont où après? Ils se retrouvent de toute façon. Vous avez fait un reportage sur les truites j'ai vu. Ouais. Bon. Ouais. Eh ben, ils vont dans les truites. Dans les truites, carrément. Ça qui va si vite. Hein. Ouais. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les résidus médicamenteux ne sont pas traités dans les stations de traitement de l'eau. Mais qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait manger, entre guillemets, les résidus médicamenteux? C'est justement le compost et le sol. Le sol a une capacité de dépollution. Le sol amendé avec du compost, c'est avéré, c'est techniquement avéré. C'est là la solution pour traiter les déchets médicamenteux. Encore une petite chose, Renaud, il faut quand même faire attention de ne pas manger trop salé. Ça, j'ai lu dans le livre. Oui, oui, ça c'est le point important, parce qu'en fait, les plantes n'aiment pas être arrosées à l'eau de mer. Et donc, quand c'est trop salé, c'est comme si on était dans de l'eau de mer. Et puis c'est bon pour la tension en plus, de ne pas manger trop salé. Hein. Exactement, voilà. Donc du coup, c'est ça. C'est que si on a un régime alimentaire, on va dire, peu salé, eh bien en fait, on produit un engrais qui peut être réutilisé au jardin. Et c'est le premier geste écologique, parce que c'est quand même notre premier déchet en volume et en poids. À peu près 1 à 2 kilos par jour, par personne. Écoutez, mais ça, c'est tout le monde pipi dans le jardin. Je crois les déchets ménagers avec, en plus, donc c'est parfait. Et en plus, c'est l'emblème de notre pays. Qu'est-ce qui est l'emblème? Juste, en plus, voilà. Bon, on rappelle le titre de votre livre, L'urine de l'or liquide au jardin. Renaud Delos, merci de nous en avoir parlé. Bouquin à trouver aux éditions de Terrance, à la collection Jardiner Nature. On a tous compris ce qu'on allait faire en rentrant ce soir. Avant ou après tondre la pelouse, on fait quoi? On fait quoi dans l'ordre? Avant. T'avais une idée? Avant. Eh ben, il pleuvra, donc ce sera plus vite évacué. Dites, dans un instant, il y a peut-être quelqu'un qui va se faire pipi dessus. C'est Hubert, parce qu'on l'a envoyé à Walibi avec Anne-Laure. Ils vont tester la nouvelle attraction qui était inaugurée ce week-end. Le Pulsar, un truc qui va très vite. Ou pas, parce que vous allez voir, il y a du suspense. Ah, il y a du suspense, ouais. Dans quelques minutes. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Viva! Sony, la famille, c'est le plus important. Je sais. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesses. Ma papa. Alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la maman, ça fait 10 ans qu'elle est partie avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à condition. Nouvelle Fiat Tipo 5 porte à partir de 13 200€. 4 ans de garantie inclus. Il en faut peu pour recevoir beaucoup. À découvrir spécialement aux établissements Constant lors de nos portes ouvertes des 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400€, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condroit à Boncel, à Nocé-FM, sur la route de 8 Warem ou JC, chaussée de Ton Gras Recours. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Le spa Eurorace. Les 11 et 12 juin au circuit de Spa-Francorchamps. L'unique représentation du bel car à Francorchamps. Des courses internationales. Porsche, Ferrari, BMW et Aston Martin. 9 courses au programme. Un spectacle intense et gratuit. Infos et invitations sur racspa.be. Avec l'avenir et vivacité. Yeah. Sur Vivacité avec Beyoncé dans les cœurs. Tu l'as reconnu, tu l'as pas entendu. Hymne for the weekend. Alors for que the weekend, c'est la version flamande. For the weekend. Alors qu'on a, on a des messieurs en short sur la page Facebook parce qu'on vous avait demandé est-ce que vous êtes en short au travail parce qu'il fait chaud. Et on a Étienne notamment qui a un joli short fluo et avec des bandes réfléchissantes. Et un beau camion. Et puis encore un deuxième, il y a Augustin qui. On a l'impression qu'il est loin, il est dans le désert lui. Bah, Augustin, il est sur du sable avec des tongs et un joli Bermuda. Dites, si on allait à Walibi, faisons ça. Oui. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Il y a quelques jours, enfin c'était le week-end dernier, Walibi a inauguré sa nouvelle attraction. Unique au monde, nous dit-on, le Pulsar. On a décidé d'envoyer les deux téméraires de la rédaction. Ou alors, on a décidé d'envoyer Hubert et Anne-Laure. Anne-Laure en soutien d'Hubert parce que Hubert, il a peur. Hubert, je vous ai vu partir ce matin. Vous n'étiez pas très ami, à l'aise. Hein. Vous me connaissez, j'accepte tous les défis. Alors c'est une légende de dire que j'ai peur. Ici, il s'agit de se dépasser soi-même. Alors certains gravissent l'Everest, traversent le pôle Nord. Moi, c'est le Pulsar. Je vais me dépasser moi-même. Anne-Laure, il est dans ses petits souliers quand même. Évidemment, il y avait jusqu'à peu deux infirmiers. n'importe quoi. Qui peut m'expliquer ce qu'est cette attraction et nous expliquer ce qu'est exactement cette attraction? Alors, vous voyez le sirocco? Le truc qui fait un looping. Vous voyez voilà, le truc. Donc, il ne fait pas un looping, qui fait vraiment. Qui monte très haut et puis qui redescend à toute vitesse. Ouais. Eh bien, c'est la même chose, sauf qu'on va atterrir dans l'eau. Ah, on est tout mouillé alors? Apparemment, on va être un petit peu tout mouillé, oui. D'accord. Alors oui, il faut quand même préciser que c'est, vous l'avez dit, c'est une attraction unique au monde parce que c'est la première fois que des moteurs électromagnétiques sont intégrés dans une attraction aquatique. C'est tout à fait nouveau. C'est un drone Claude François, hein. Non, pas du tout. Ce n'est pas de l'électricité, c'est électromagnétique, c'est avec des aimants et c'est tout à fait safe, quoi. C'est vraiment. Bon. Alors là, pour le moment, comme on doit passer dans l'eau, il y a un petit problème parce que l'eau est très, on très est inondé. Élevée. Non, c'est rien, quoi. Voilà. Il y a un souci. Bah oui, avec les orages. Il y a avec les orages, quoi. Voilà, ils sont en train de régler le problème en même temps, alors. Absolument, oui. Oui, ils sont en train en fait de pomper l'eau qui est excédente dans le bassin. Et donc, on va pouvoir tester l'attraction, mais il va falloir attendre un petit peu parce que ça ne pompe pas assez vite, malheureusement. Donc, on va attendre, à mon avis, au moins midi et demi avant de pouvoir faire l'attraction. Je propose qu'on vous rappelle quand c'est fait. Que ce soit OK. Ce qui est bien, c'est que cette attraction, elle arrive dans l'eau. Donc, s'ils se font dessus, ça ne se verra pas. Ce sera assez discret. Ils seront quand même tout mouillés avec la fleur. On aurait une bonne excuse. Vous aurez une super excuse. On vous rappelle dans une grosse demi-heure pour avoir les impressions, évidemment, de cette nouvelle attraction. Si vous l'avez déjà testée, si vous avez eu l'occasion d'aller à Walibi déjà ce week-end et tester ça, dites-le nous. Faites part de vos commentaires et de vos sentiments sur la page Facebook de l'émission et on vous lira évidemment. Yeah. I know there's something going on, c'était Frida en 1982. Frida, c'était la brune dans le groupe ABBA, vous vous souvenez? Mais bonne si, question. Évidemment, la femme de l'autre. Direction Facebook où, visiblement, les pieds de Michel... Non, c'est Marc. Ah, Marc. Marc, donc, il nous a envoyé une photo tout à l'heure avec ses pieds. J'ai dit qu'il fallait soigner les grosses mycoses, mais c'est une blague, hein. Sauf qu'il nous dit, attention Sébastien, ce n'est pas une mycose, c'est une corne, un ongle qui doit tomber tout seul. Et cela à cause des nombreuses années de pratique de foot. Il nous dit qu'il nous écoute, que ça lui fait du bien. Et puis Marco, puisque c'est comme ça qu'il signe son message, nous dit aussi que Sébastien est jaloux. Ah ouais. Marco, je pense que vous n'avez pas tort. Jaloux de quoi? De quelqu'un qui a des cornes? Bon, il y a les infos de midi qui arrivent, on revient derrière évidemment. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan Bylance à Liège et à Serein. Du 3 au 11 juin, profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les dernières technologies Nissan. Nissan Bylance, boulevard de Douai à Liège et zoning de la Troc à Serein. Ouvert dimanche 5 juin. Nissan, innovation that excites. Avec Peugeot Shins, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Venez découvrir le tout nouveau SUV 2008 lors des portes ouvertes, ces 11 et 12 juin. Et seconde bonne nouvelle, profitez de ce week-end pour essayer votre modèle préféré. Toute la gamme Peugeot sera disponible pour un essai. Peugeot près de chez vous, c'est Shins bien sûr. Toutes nos adresses sur PeugeotShins.be. PeugeotShins.be. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Qui va gagner? Ce sera une bataille endiablée ou un coup de poker. Avec un carré de roi, toutes les dames seront là. Et la foule aussi. Précipitez-vous. Cette semaine, un jeu de 52 cartes gratuit avec la DH, avec des noirs, des rouges et bien sûr, un peu de jaune. Cette semaine, un jeu de 52 cartes signé Pader, gratuit avec la DH. Vous écoutez Vivacité, il est midi. On s'informe en compagnie de Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Alors qu'on annonce de nouveaux orages pour la journée, les travaux de nettoyage et de déblaiement sont en cours dans l'est du pays, à Welkenrath notamment, là où une octogénaire est morte hier, emportée par les eaux. Près de Verviers, la commune de Dizon a fait appel à l'armée, à la protection civile. Prudence donc cet après-midi, l'IRM s'attend à des averses accompagnées toujours de grêlons et de fortes rafales de vent, avec aussi beaucoup de pluie encore par endroits. Les travaux d'évacuation des wagons accidentés se poursuivent après la collision de Saint-Georges-sur-Meuse. Hier, collision entre un train de passagers et de marchandises, collision qui a fait 3 morts. La boîte noire du train voyageur a été récupérée. Le parquet confirme l'information. Elle devrait livrer d'importantes informations pour l'enquête. Un des 3 blessés hospitalisés se trouve toujours dans un état critique. Il s'agit d'un homme de 26 ans grièvement blessé hier lors du choc. Des actions dans tous les palais de justice du pays ce matin. Des centaines de magistrats mobilisés pour dénoncer une justice qui fonctionne avec des bouts de ficelle. Les magistrats, le personnel des grèves soutenu par les avocats en arrêt de travail pour dénoncer le manque de moyens de personnel. Stop aux économies voulues par le ministre de la Justice Koen Gaens. Pas de grève, mais des audiences retardées. Action à Liège, comme ailleurs. Écoutez Pierre Lambillon de l'Association syndicale des magistrats et Isabelle Collard de l'Union professionnelle de la magistrature. Il y a d'abord un immense sentiment d'indignation au sein des cours et tribunaux parce que nous nous trouvons face maintenant à une mission impossible. Des dossiers de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes, avec de moins en moins de moyens. Le ministre nous dit qu'il va diminuer notre charge de travail, mais comment va-t-il procéder? Quelque part, en étouffant la demande, en rendant l'accès à la justice de plus en plus difficile. Ce n'est pas là la conception que nous nous faisons de la justice au XXIe siècle. La justice va devenir plus chère, plus lente et d'une qualité qui risque d'être moins importante. Si son dossier est pris plus tard, si les audiences sont supprimées et reportées, c'est le justiciable qui va subir les conséquences de ce manque d'investissement. Le manque de moyens le plus marquant, c'est par rapport à l'informatique. Des données qui viennent de la police, une fois que le dossier arrive au parquet et puis après au tribunal, les données doivent être réencodées chaque fois puisque les systèmes ne sont pas compatibles. Des interviews recueillies par Martial J. au Palais de Justice de Liège. La grève des poubelles se poursuit dans les régions de Mons-Borinage et du Centre, au moins jusqu'à vendredi. Décision prise ce matin par les éboueurs de l'intercommunale IGA. Des éboueurs qui sont réunis en assemblée. Toujours dans la région de Mons, la grève aussi dans les écoles du réseau officiel tout niveau confondu. Cette grève concerne près de 150 établissements. Elle va durer 2 jours à l'appel de la CGSP qui proteste contre les mesures du gouvernement fédéral, le soda index, la flexibilité du temps de travail, le recul de l'âge de la pension, entre autres. Résultat ce matin, des piquets à l'entrée des écoles, des profs sur le trottoir et des élèves quelque peu déroutés. C'est ce qu'a pu constater Florence Dussard. À l'entrée de l'école du futur, à Mons, de part et d'autre de la grille, deux délégués CGSP qui filtrent le passage. Les élèves peuvent entrer, les profs, les éducateurs doivent rester dehors, sur le trottoir. Tout ça se négocie avec la directrice. La surveillance de la cour, en fonction du nombre d'élèves, de quand même les installer en classe, on ne va pas les laisser dans la cour toute la journée. Hein. Ça, je refuse. Hein. Vous étiez venu conduire vos enfants ? Oui, bien sûr. Oui, ce matin, on a quand même tenté de la faire rentrer dans l'école, mais bon. Comme les profs ne rentrent pas et si c'est pour être surveillé, autant étudier à la maison. Donc voilà. Vous avez attendu pour savoir ce qui se passait. Voilà, oui, pour savoir ce qui était le mieux à faire pour eux, quoi. Donc, mais je pense que la reprendre, c'est la meilleure solution. Et pendant ce temps, sur le trottoir d'en face, des élèves endimanchés devaient passer un examen oral. Ils attendent. Ben, si on rentre pas, c'est parce que notre prof ne peut pas rentrer. Donc nous, on rentre pas parce qu'on a examen avec elle. Du coup, ça servira à rien que nous, on soit à l'intérieur et qu'elle, non. Vous avez examen de quoi ? De français, en oral. C'est ça, le costume, tout c'est ça, parce que c'était... C'est ça, le costume, oui. Jocelyne Laurent, directrice. Il ne devrait pas y avoir de problème pour l'examen. Mais si chacun a fait son boulot toute l'année, il a toute l'évaluation continue pour lui. La grève se poursuivra encore demain mercredi. Ah, c'était un reportage de Florence Dussard. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet avec un accident sur l'A602. Oui, dans le sens Lons-Saint-Chenay à hauteur des Grosses Battes, le passage est difficile dans la bretelle d'accès en direction de Chenay et Prudence. On nous signale que de l'huile se trouve sur la chaussée. Accident également sur la Nationale 4 et Namur-Arlon à hauteur de Ciney. Là aussi, le passage est difficile en direction d'Arlon. Et puis un objet encombrant signalé sur le 42 Mons-Liège. C'est un garde-boue qui se trouve au kilomètre 54. C'est donc à hauteur de Rhine. La chaussée est partiellement entravée en direction de Liège. On reparle de ces barrages présents depuis ce matin. C'est le cas sur la Nationale 50, Mons-Courtrai à hauteur de Glin, dans les deux sens. Et puis, dernier ralentissement dans le centre de Bruxelles entre les tunnels Reyers-Montgomery et Georges-Henri en direction de Montgomery-la-Cambre. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les titres à 12h30 et à 13h, le journal de Viva, ce sera avec Manu Delporte. Merci Marianne, bel après-midi. Hey, tu savais que chez Krefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours ? Et s'il y en a un hors jeu ? Carton rouge ! Krefel. Les meilleurs prix, service compris. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Ouh, j'aime bien la deuxième heure qui arrive. Ouh, là, là, que ça va être gay. Dites-moi, est-ce qu'il y a de la glace ? Oui, on va goûter de la glace. La glace Franklin, garantie artisanale, nous dit-on, et sans sucre ajouté. On goûtera ça dans quelques minutes. Au programme de cette deuxième heure, il y a Didier qui n'est pas content, Frédéric, parce que son fournisseur d'électricité a changé les prix de l'énergie sans l'avertir. Vous connaissez Engie ? Engie Electrabel, voilà, il n'a pas été averti, selon lui, par Engie Electrabel, qu'après avoir eu un prix fixe d'un an, le prix allait être différent. Pas content du tout, hein. On redonnera un petit coup de fil à Anne-Laure et Hubert qui sont en Walibi et qui attendent de tester cette première mondiale qui est la nouvelle attraction inaugurée il y a quelques jours, le Pulsar. petit souci technique parce qu'il a un peu trop plu. C'est un comble, c'est une attraction qui va dans l'eau. C'est une attraction qui va dans l'eau, c'est un comble, oui, effectivement. Donc, on les rappellera dans le courant de cette deuxième heure. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook aussi que ça se passe, on l'oublie pas, ça. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur. Le numéro, c'est 070 222 660. Le SMS, vous l'envoyez au 3063. Et puis, il y a le mail pigeon@rtbf.be. On a quoi côté musique ? On a Vanessa Paradis, par exemple, avec Divini Deal. On a aussi du Michael Jackson. Ça, c'est dansant. Ça, c'est excessivement dansant. Moi, je serais, je sais pas moi, dans la cuisine, en train de faire les patates. Je me remue. Oui. En train de cuire avec le rôti. Avec votre petit tablier. Je me remue. Avec mon petit tablier, mes tongs et mon short, parce qu'il fait beau dehors. N'hésitez pas à envoyer vos photos sur la page Facebook. Et on en parlera, évidemment. On est ensemble jusque 13h. Bon appétit si vous passez à table. Français Kongs avec This Girl. Je vous apporte des doubits choux. Des quoi? Des doubits choux. C'est comme des truffes en chocolat. Alors, c'est vrai que ce qu'on a devant nous... Tu parles la bouche pleine, Sébastien. C'est une fabrication artisanale. Eh non, alors, je parle la bouche pleine parce que j'ai craqué. J'ai bêtement... Alors, j'ai un problème avec la glace. On a tous craqué, en fait. On a tous craqué. Trop bon. En studio avec nous, Vincent Arvan, administrateur délégué des glaces Franklin. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est dans la région de Binche avec vous, avec de la glace artisanale sans sucre ajouté. Ce qui veut dire que ce qu'il y a là-dedans, c'est les produits de base, nature. Tout à fait. Donc ça, c'était la première réflexion de base il y a un peu plus de 4 ans quand on s'est lancé dans le projet avec Franklin. C'était de vraiment retrouver ces saveurs authentiques au premier plan. C'était Franklin, vous voulez créer une glace différente c'est des qui, autres. C'est qui Franklin? Franklin, donc c'est mon associé. Mm-hmm. Il a 50 ans et aujourd'hui il produit de la glace parce qu'on a pas mal de boulot pour l'instant. On est en pleine saison, donc lui. C'est pour ça qu'il est pas là. Derrière les machines. Oui, tu m'étonnes, il fait beau. Donc. C'est son vrai prénom, hein, il s'appelle comme ça. C'est son prénom. Et c'est la marque de la glace aussi. Exactement. Donc ça, c'est, on peut en reparler après. Mais donc, en effet, la volonté de Franklin à la base, en fait, était de vouloir reproposer une glace qui était vraiment authentique au niveau du goût. Et il s'est rendu compte que pour y arriver, qu'il y avait un ingrédient de la glace qui se retrouve dans toutes les recettes, qui est le sucre, qu'on ne diabolise pas évidemment, mais qui est un ingrédient, qui est un exhausteur de goût, qui prend énormément de place dans le goût de la glace. Donc trop de place à son goût. Et trop de place pour vraiment laisser en fait, la finesse des arômes se développer. Et donc, c'est là qu'on s'est lancé le défi en fait, de dire, au final, pour vraiment, notre objectif ultime était le goût, et donc pour y arriver, est-ce qu'on ne s'en serait pas dans une glace artisanale qui est sans sucre ajouté, donc retirer ce sucre qui est ajouté, le sucre commun. Mais quand on enlève le sucre, on a quand même, au niveau de la proportion, ça sert quand même à quelque chose dans la glace, le sucre. Comment on fait alors ? Enfin, pour rester, le sucre a plusieurs fonctions dans une recette, que ce soit dans la glace ou dans d'autres recettes. Mais au niveau de la glace, il a trois fonctions principales, qui est une, pour le goût, évidemment, c'est certain, puis il y a une question de volume aussi, du volume qu'il prend, et puis une question de chimie alimentaire, on va dire. Donc dans le mélange, dans la recette, ça va créer une émulsion. Donc quand on retire le sucre, on doit remplacer entre guillemets ces trois actions que le sucre mais avait. Ah, mais remplacer ça par quoi alors ? Et donc on a notamment remplacé ça par des édulcorants naturels. Donc on a eu une sélection en fait. Tout ce travail, il a pris quand même plus de 3 ans à Franklin, encadré avec d'autres personnes qui étaient des professionnels du milieu. Mm-hmm. Que ce soit par exemple un médecin nutritionniste ou un ingénieur alimentaire qui nous a vraiment aidé à mettre au point et qui nous a vraiment aidé à choisir les bons ingrédients. Parce que la sélection était très précise et très pointue depuis le début. Et il nous a fallu 3 ans en fait, pour mettre au point cette glace qui, maintenant, pour 9 personnes sur 10 en dégustation à l'aveugle, n'est même plus perçue comme une glace sans sucre ajouté. Honnêtement, c'est un vrai bon goût. La fraise. On a 4 goûts ici. Ouais. Chocolat, fraise, vanille. Le chocolat sans sucre, c'est incroyable, c'est une puissance. Donc voilà, et là, ce qui est vraiment intéressant pour le chocolat, et moi, c'est vraiment ma préférée, au fond, c'est que sur le chocolat, d'accord. En fait, vous n'êtes plus sur un cacao qui est sursaturé en sucre, c'est du vrai chocolat belge en morceaux qui est mis dans la glace et que vous ressentez d'ailleurs avec les pépites. Mmh. Chocolat belge, la fraise, elle vient d'où ? Elle est belge aussi, mais ça dépend aussi un petit peu au niveau de l'approvisionnement, de ce qu'on peut avoir, mais elles sont principalement belges, évidemment. Et c'est une glace qui peut être du coup mangée aussi par les diabétiques sans problème ou... Alors, c'est évidemment c'est pas ce qu'on compliqué. Va mettre en avant, parce que c'est d'abord une glace qui est un produit de goût en avant et qui fait plaisir à tout le monde. D'ailleurs, je vous laisserai lire juste après les valeurs nutritionnelles, en termes de calories de cette glace, et vous allez voir qu'il y a une belle surprise là derrière. Mais on a évidemment... C'est écrit trop petit. Non, mais devant, sur la façade. Un diabétique, évidemment, mais c'est à lui, évidemment, il connaît mieux sa possibilité de consommer ce genre de produit ou non. Mais on a une certification, en tout cas, de l'association belge du diabète, qui permet, en fait, qui autorise, entre guillemets, la consommation pour les diabétiques, s'ils le veulent aussi. Le bruit que vous entendez, c'est Frédéric qui racle le fond du pot. Alors, on est à 82 calories pour 100 grammes. Ce qui veut dire rien du tout. Pour une glace, c'est rien. C'est une comparaison qu'on peut faire de manière très objective en retournant les autres paquets des autres glaces. On est vraiment 2 à 3 fois inférieur par rapport à ce qui existe sur le marché donc aujourd'hui. Donc on peut en manger 2 à 3 fois plus. N'exagérons pas quand même. Vos produits artisanaux, on les trouve où vos glaces aujourd'hui ? Donc, eh bien, aujourd'hui, vous pouvez déjà très facilement vous rendre sur notre site internet glacefranklin.com et il y a une page, un onglet où vous pourrez trouver où trouver Franklin. Vous tapez votre code postal et vous avez tous les points de vente qui sont autour de chez vous qui se montrent. On est notamment, je peux citer les marques, les enseignes. On est sur le site internet, ce sera plus simple. Voilà. Oui, ce sera plus simple, comme très ça, bien. C'est faut général. Pour les gens qui et nous écoutent, au niveau du le prix, prix, oui, c'est ça, on va terminer avec mais donc, le prix. Hein. Le prix, encore une fois, ce sont les enseignes qui le déterminent, mais il y a un prix recommandé qui est pour les petits pots donc de 100 ml de 2,10 € et pour les grands pots de 500 ml de 6,40 €. Comparé au Häagen-Dazs et c'est Ben & Jerry's, c'est la même chose. C'est exactement c'est la même chose. La seule différence, c'est ce qu'il y a dedans, évidemment, où il y a une autre approche. Mais ça reste une glace un peu de luxe. Alors ça reste une glace de luxe par le contenu qui est dedans, par le choix des ingrédients et par la qualité du produit intrinsèque. Produit artisanal fait chez nous, dans la région de Binche. C'est dommage, il y a pas une à l'orange ? Pardon ? Faudrait en faire une à l'orange ? Mais on va continuer à développer d'autres produits, bien évidemment. Binche, ce serait une bonne idée. Merci d'être passé, de nous avoir fait goûter tout ça à Vincent Arvon. Merci à vous. Et on rappelle le site internet pour ceux que ça intéresse, glacefranklin.com. Si vous avez déjà goûté, dites-le nous. On prend tout aujourd'hui. On fait des commentaires sur tout. On est complètement open. Dans la deuxième partie, c'est maintenant. Dans la suite, on va parler de quoi ? On va appeler Testacha parce qu'on a un petit souci à régler. C'est 9, 10 et 11 juin, Kitchen Market vous attend pour 3 jours de fête et de folie sur les prix. Avec 15% de réduction sur tout le magasin. Cuisine équipée, électroménager, ustensiles Alice Delice et buanderie. Jeudi, vendredi, samedi, vous avez 3 jours pour en profiter. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Et pour vos soirées d'été, il y a 40 barbecues d'une valeur de 1 000 € à gagner. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses.

changement facile annoncé pour 2007. Ça devrait changer. On en parle avec 2007. Vous, Julie Frère. 2017. Julie Frère de Testachat. L'Easy Switch, ce sera mieux? L'Easy Switch, c'est un premier pas. Mais la première chose, c'est que ça fait longtemps qu'on en parle, au moins 3 ans qu'on en parle, alors qu'en fait, c'est pas très compliqué. Mais le lobby des opérateurs a fait du bon travail, apparemment. Et en fait, en quoi ça constitue? C'est simplement mettre à charge des opérateurs télécoms toute la gestion administrative du changement. Parce que quand on a un pack, eh bien, on a la téléphonie, on a Internet, on a la télé. Et donc, il faut un petit peu résilier chaque chose séparément et gérer tout ça. Et pour le consommateur, c'est vraiment un frein au changement, et donc évidemment quand on ne change pas, eh bien on reste chez un opérateur qui peut très facilement augmenter ses prix sans avoir peur de vous voir partir chez les concurrents, et donc c'est ça le problème aujourd'hui, comme il n'y a pas de mobilité, comme ça reste difficile de changer d'opérateur, eh bien on voit des augmentations de prix constamment, on voit que la Belgique au niveau des PAC est beaucoup plus chère que ses voisins, et tout ça c'est vraiment lié à l'absence de mobilité. Oui, mais ça a quand même changé ces dernières années, il y a quand même eu quelques évolutions. Oui, tout à fait. Je pense que le plus important, c'était la suppression de ce qu'on appelle l'indemnité de résiliation. Donc, après 6 mois de contrat chez un opérateur, aujourd'hui, on ne doit plus rien payer si on décide de changer. Avant 2012, il fallait payer une indemnité. Mm-hmm. Donc ça, c'était une demande de Testachat. Et là, évidemment, ça a quand même encouragé la mobilité. Mais il reste toute une série d'autres obstacles, notamment l'information sur la procédure à suivre. Comme on l'a dit, les démarches administratives. Il faut prendre compte pour qu'un technicien vienne à la maison. Il faut se débarrasser du décodeur, du modem. Et puis souvent, les gens ont peur. Et c'est ce que notre enquête avait révélé à l'époque. Très souvent, on avait des coupures entre un opérateur et l'autre. Ou alors, on avait 2 contrats en même temps. Et donc, vraiment, c'était un petit peu le parcours du combattant. Donc, les choses évoluent. Ça prend pas mal de temps. Mais c'est un pas dans la bonne direction, même s'il reste encore des choses qui ne sont pas réglées aujourd'hui par ce Switch, mais ce... comme vous l'avez dit, changement facile. Ouais, mais ce changement facile, ça va vraiment faciliter le changement d'opérateur? Alors, clairement, il y a des obstacles qui restent. Ouais, ce qui est quand même rendu, important, oui. Hein, c'est que évidemment, on allège quand même un petit peu le travail du consommateur. Donc, a priori, quand on a plus de mobilité, eh bien, on a plus de concurrence et donc on a des meilleurs prix. Mais le problème en Belgique, c'est bon, vous l'avez dit, il y a quelques opérateurs qui proposent des packs, mais en fait, il n'y a pas de réelle concurrence en Belgique, hein, au niveau des packs. On a une situation de duopole. Quand on est en Wallonie, on peut choisir entre vous et Proximus. Quand on est à Bruxelles, on peut choisir entre Numéricable, SFR et Proximus, en gros. Et donc, si vous voulez, on voit que nos packs sont très chers. Et donc, oui, il y a la possibilité de passer chez l'opérateur alternatif, mais tant qu'il n'y a pas de réelle concurrence, ça reste un petit avantage pour le consommateur. Et pourquoi ils sont au même prix tous? Mais parce que justement, il n'y a pas vraiment de concurrence sur le marché. Alors, par contre, la bonne nouvelle, on en a beaucoup parlé, c'est la fameuse ouverture du câble qui est maintenant devenue une réalité. Donc, on a Mobistar qui maintenant s'appelle Orange, qui va rentrer sur le marché des packs et qui a proposé maintenant une offre qui s'ajoute à celle des opérateurs traditionnels. Et donc, c'est maintenant qu'on a besoin d'avoir un changement, un switch facile. On doit encourager les gens à pouvoir bouger parce qu'à partir du moment où les opérateurs traditionnels voient que leurs clients passent chez le concurrent, mais ils vont peut-être aussi faire un effort au niveau des prix. Mais malheureusement, je vous le disais au début, le lobby des opérateurs est très fort, et donc là, ils ont encore 1 an pour, en gros, gérer le changement eux-mêmes. En espérant que ça aille... Ça devrait avoir lieu. En espérant... Oui, le changement, c'est maintenant. Ça me rappelle le slogan de quelqu'un, ça. On va se revoir à la télé ce soir pour reparler de ce système Easy Switch avec Testachat à partir de 18h30 sur la Une, évidemment. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Malgré tout voyager, des retours, des allées, descendre, remonter, à l'espoir adossé. Atomes. Johan avec Nos Secrets. Dans un instant, petit détour par la rédaction pour les titres de l'info. Et puis, nous tenterons d'aider l'un d'entre vous, Didier, qui a un petit problème avec Electrabel. Sa facture a grimpé, mais il ne sait pas pourquoi. Bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau? Ça tombe bien, Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7, du lundi au vendredi, dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. Litry Joas à Liège, la référence depuis plus de 70 ans. Litry Joas, toutes les plus grandes marques de matelas au meilleur prix. Nous vous livrons gratuitement et nous vous débarrassons de votre ancien matelas. Litry Joas, l'incontournable maison de confiance, rue Jean d'Outremeuse à Liège. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certain. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. Et si vous aviez un webshop comme celui que Oxfam Magasins du Monde est en train de tester gratuitement pour l'instant? Les Magasins du Monde Oxfam, ce sont 70 magasins, 4000 bénévoles, un large choix de produits 100% équitables. Alimentation bio, bijoux, accessoires de mode, déco, produits de soins, vendus à des prix justes pour les producteurs et les consommateurs. Et maintenant, aussi disponible sur notre webshop. Intéressé? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Il est 12h30. Les titres du journal avec Manu Delport. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dans une demi-heure, nous retournerons à Welkenrad, victime de grosses inondations hier. Nous irons aussi à Saint-Georges-sur-Meuse, sur les lieux de l'accident du train qui a fait 3 morts et 10 de blessés. La boîte noire du train passager a été retrouvée ce matin. L'évacuation des wagons continue. On sait maintenant que les voies sont assez endommagées et qu'il faudra plusieurs jours pour les remettre en état et rétablir la circulation. Aucun train d'ailleurs ne roule entre Flémal-Haute et oui, aujourd'hui. À 13h, nous reviendrons aussi sur cette action des magistrats ce matin dans tous les palais de justice du pays. Les magistrats se sont arrêtés une demi-heure pour dénoncer l'état piteux de la justice en 2016, des locaux inappropriés, du matériel qui manque, de l'informatique en rade. Ils évoquent aussi le manque de personnel qui leur empêche de rendre la justice convenablement. Et puis nous partirons du côté de Vaux-sur-Sûre, dans ce petit coin très bucolique de la province de Luxembourg, des habitants ont cru voir un puma. Eh bien, les autorités les prennent très au sérieux. Elles ont même fait fermer une partie du sentier du Ravel pour éviter tout accident. On en reparle dans le journal de 13h. À tout à l'heure, 13h, Manu, pour développer ces titres. And I will I never closed a door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. Kid Noy sur Viva avec Ocean. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. C'est Didier qui a un problème. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous avez un problème avec Electrabel qu'on ne doit plus appeler Electrabel mais qu'on doit appeler Frédéric. NJ Electrabel, elle a un prénom désormais. Qu'est-ce qui se passe avec NJ Electrabel ? C'est une histoire de facture. Oui, c'est une histoire de facture, mais en fait, bon, on ne parle pas de grosses sommes, on parle de quelques dizaines d'euros, mais c'est plus sur le principe, la manière dont ça a été fait que c'est dérangeant. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, rapidement, 1er juin 2014, je prends un contrat chez eux, un contrat green avec de l'électricité verte, qui est un contrat d'un an, reconduction tacite. Et là même, si le reconduction tacite est marqué sur la deuxième page en petit, alors la loi prévoit que ce soit marqué en grand devant, soit. Ils ont en fait augmenté le tarif au 1er juin 2015. Après un an donc, vous avez augmenté. Mais sans avoir prévenu, c'est-à-dire que je ne suis absolument pas, j'ai pas été au courant, donc pas de coup de téléphone, pas de mail, pas de courrier pour le signaler. Vous êtes sûr ? Donc certain. J'ai téléphoné à Electrabel au mois de février pour avoir reçu la facture. Il faut changer. NJ. Mais j'ai toujours Electrabel face à moi, c'est pour ça. À NJ. Donc j'ai téléphoné à NJ début février où. La première personne que j'ai eue était assez désagréable, mais bon, soit. La deuxième a reconnu l'erreur de NJ en disant « Oui, c'est vrai, nous n'avons pas envoyé de courrier, on a augmenté, mais c'est parce qu'on a eu un souci et tout. » Un souci de quoi ? Et là, un souci informatique ou un souci de courrier, je ne sais pas très bien. C'est toujours l'excuse qu'on donne, ça. C'est un problème technique, un souci informatique. Tout à fait, problème technique. Donc moi, j'ai continué, j'ai dit « Bon, je n'étais pas d'accord forcément. » Donc la seule chose qu'ils ont proposé à un moment, c'est « Ok, ben, on va vous faire un nouveau contrat » où on vous fera une petite remise dessus au bout, mais ce sera un contrat à 94% énergie polluante. Alors que vous aviez un contrat vert avant. Ouais. À 100% vert, donc forcément j'aurais dit non. Et depuis lors, ben, j'ai envoyé un courrier, j'ai chatté avec Séverine sur le compte de Engie, et j'ai envoyé un recommandé et aucune réponse d'Electrabel. Donc j'ai dit à un moment, j'avais dit dans le dernier courrier qu'il était peut-être temps. On parle encore une fois que de quelques euros. Ouais, mais quand même. C'est une obligation légale, hein, Didier, effectivement. Voilà, il y a une obligation légale. À la fin du contrat, vous devez être prévenu que le prix va augmenter par courriel, d'une manière ou d'une autre. Le législateur a voulu que ce soit légal et c'est logique de savoir que le prix ne sera plus le même, puisqu'on peut évidemment à ce moment-là se repositionner et changer d'opérateur, ce qui est beaucoup plus simple en électricité. Quand téléphonie, vous savez ce qu'on va faire. On va dites-nous rapidement. Il faut savoir quand même que l'augmentation est de 12% en heure pleine et de 18% en heure creuse. Donc on ne parle pas de quelques centimes. Non. Donc, c'est quand même, je veux dire, c'est important comme augmentation. J'estime. Bon, c'est et donc vous n'avez pas été prévenu, en tout cas vous l'affirmez. On va appeler NJ. Et eux l'ont confirmé. Appelons NJ. Voilà. Nous avons Anne-Sophie Huger, la porte-parole d'Engie Electrabel. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous. Que c'est normal comme procédé de ne pas avertir ses clients lors d'augmentation ? Mais non, mais Didier a tout à fait raison. Effectivement, nous sommes tenus, conformément au code de conduite, d'informer nos clients du nouveau tarif qui sera d'application pour la nouvelle période contractuelle. Et ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas non plus, je ne peux pas revenir en arrière ce qui a été dit ou pas à monsieur, mais en tout cas, moi, j'ai devant moi le courrier qui a été envoyé à l'adresse de monsieur en date du 31 mars 2015, effectivement 2 mois avant l'échéance de son contrat. C'est légal. Et nous avons respecté cette obligation, bien entendu, et c'est vrai que nous devons faire, et nous le faisons. Ici, je ne sais pas comment ça se fait que le courrier, que monsieur n'a pas reçu le courrier, mais nous l'avons fait. C'est même avalisé par un de vos standardistes qui affirme, effectivement, il y a eu un bug, on ne vous a pas envoyé le courrier. Donc vous dites que vous l'avez envoyé. Ça, malheureusement, voilà, moi je suis là pour répondre aux questions de Didier, je ne sais pas ce qui a été dit, que dans quelles circonstances ça a été dit ou pas. En tout cas, j'ai fait vérifier le dossier, et effectivement, je l'ai devant moi, j'ai le courrier qui date du 31 mars, par lequel nous informions monsieur du nouveau tarif, et qui correspond effectivement à l'augmentation qu'il mentionnait, et qui correspond à l'évolution des prix de marché à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi? Il y a eu un vol de courrier dans la boîte de Didier? Est-ce que ça c'est possible? Ça arrive très rarement. Est-ce que la poste n'a pas distribué ses factures? Donc l'adresse elle était. C'est pas recommandé évidemment. Hein, c'est un courrier simple. Hein, c'est un courrier normalisé. Bien entendu, on limite les frais. Il n'y a pas de mail qui accompagne également. Ce serait pas plus simple pour être certain? Nous privilégions bien entendu les communications digitales avec nos clients. C'est plus rapide. Ça c'est meilleur marché aussi. Et puis parce que les gens sont de plus en plus actifs et joignables via Internet, et on implémente par vague ce moyen de communication. Mais à l'époque, monsieur recevait effectivement encore les factures et le courrier en question par courrier postal. Didier, vous n'avez pas reçu cette lettre, vous l'affirmez, et le standard a bien reconnu l'erreur en plus. J'ai trois personnes différentes de Engie qui ont reconnu qu'il n'y avait pas eu de courrier qui était parti. Donc ça me semble... Je suis vraiment désolée de voir comment ça, la tournure que ça a pris, d'autant plus que malheureusement nous ne vous comptons plus parmi nos clients. Par contre, là où je peux présenter mes excuses au nom d'Engie Electrabel, c'est qu'effectivement, et là je le reconnais, votre dernier courrier recommandé n'a pas trouvé réponse, il s'est perdu entre les services, et pour cela, le courrier précédent non plus, le coup de téléphone non plus, le chat non plus. Quatre choses qui n'ont pas fonctionné. Et encore une fois, je répète, trois personnes de chez vous ont dit qu'il n'y avait eu aucun courrier. Ils ont même vérifié s'il y avait eu un mail. Ils ont confirmé qu'il n'y avait aucun mail. Donc vous me dites autre chose, je veux bien vous croire. Mais le problème, c'est que manifestement, chez vous, vous avez un gros, gros, gros problème de communication. Et je trouve ça embêtant. Au point où ça vous a fait partir maintenant, on ne va pas pointer du doigt, c'est un cas parmi plein d'autres. Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ici, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Il y a eu un bug, hein, quelque part, ça c'est clair. Forcément, on ne saura pas dire exactement où. Dommage. Et on remercie Anne-Sophie Huger, la porte-parole d'Engie Electrabel, d'avoir répondu aux questions et d'avoir essayé de tracer un peu l'histoire de Didier. Ce qui nous amène à vous parler de la suite. C'est la Divine Idylle de Vanessa Paradis. Et puis on redonne un coup de fil à Hubert et Anne-Laure, voir s'ils ont réussi à monter dans ce Pulsar, cette attraction première unique au monde. Et s'ils sont tout mouillés, on fait ça dans quelques minutes. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les tentes Quechua se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre « Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose !» Mais aussi pour tous les « Hé les enfants, regardez le sommet !» Quand on y est, on monte le camp, d'accord ? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi, le dimanche 19 juin dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be. Avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. L'Opéra Royal de Wallonie présente La Bohème. Laissez-vous emporter par le célèbre chef-d'œuvre de Giacomo Puccini pour une soirée entre rire et larmes. Du 17 au 26 juin. Info, opéraliège.be. Avec Vivacité La 3 et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité La 2 et le Conseil de la Musique présentent le village de la fête de la musique. Les 18 et 19 juin, retrouvez-nous au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire, Bachar Markelife, Dansan, Max Romeo et plein d'autres. C'est gratuit. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam Fort Culture, Sud Presse et Grand Casino Bruxelles Village. Non seulement quand vous allez au casino de Spa, la chance peut vous sourire à tout moment, mais d'ici fin juin, vous risquez en plus de repartir au volant d'une Mini. Oui, plus vous passez au casino et plus vous avez de chances de la gagner, cette Mini. Trop facile. Casino de Spa, source de jeux depuis 1763. La grande finale de l'opération, c'est ce jeudi 23 juin. Vous aimez les marques Scotch et Soda, New Balance, Only? Retrouvez-les avec beaucoup d'autres chez London Store à Spa et Uzi. Des centaines d'articles tendance vous attendent. London Store à Spa, Place du Monument et à Uzi Avenue de Spa. Découvrez-nous sur Localizy. Le commerce autrement. Localizy.com. Localizy.com. Vanessa Paradis, Divine Idyll. On n'est pas des pigeons. Wally Bibibi, j'en suis Baba, direction Wavre, Hubert, Anne-Laure, en attente désespérée devant le Pulsar. On pensait qu'ils avaient peur de monter dans l'attraction. C'est l'attraction qui a peur de les recevoir. Non, pas du tout. C'est un problème uniquement technique. Il est impossible de faire démarrer l'attraction parce que le niveau de l'eau, vous savez, ces bateaux, on est propulsé à une vitesse de 100 km jusqu'à 45 mètres de hauteur et puis on redescend très rapidement et on splash dans l'eau. Mais quand l'eau est trop haute, ben, on risque de se noyer. C'est clairement... ça le but, c'est de vous éclabousser. C'est clairement du... D'ailleurs, on va nous équiper notre gilet de sauvetage bientôt. N'exagérons rien. Mais non, on rigole évidemment. On va faire des photos hein, qu'on pourra mettre sur Facebook de notre entrée dans l'attraction et puis surtout notre sortie. Parce que c'est non, mais la sortie, de toute manière, reportage prévu à la télé. Jeudi, donc on verra, ouais. on verra alors, les images. Hein. Ce qui est bien, c'est que cet après-midi, je serai en télé et que la porte-parole de Walibi m'a déjà dit le brushing, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc je vais venir avec les cheveux ébouriffés et bouillés sur le plateau des pigeons cet après-midi. C'est pas la première fois, Hubert, qu'on vous envoie tester des attractions en sensation. Hein. Non, et bien justement, il y a 2 ans, je pense, j'ai testé le Dalton Terror et où on descend à une vitesse de 110 km de 77 mètres de hauteur avec les pieds dans le vide. Alors ici, on me dit, moi, je suis vraiment très impatient d'essayer cette attraction, le plus Dessart, on me dit que c'est aussi impressionnant que le Dalton Terror, mais que c'est beaucoup plus sécurisant parce qu'on est harnaché et on ne voit pas le vide. Donc il y a, paraît-il, pas mal de nouvelles sensations, de rapidité, de frein. Il paraît que c'est assez inattendu. Mais écoutez, on attend. Attendez, je vais demander à Marie-France jusqu'à quelle hauteur on monte. Marie-France, on monte jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à 45 mètres de haut. Jusqu'à 45 mètres ouais, de haut. Oui, quand même, pour et les 100 gens. Kilomètres voilà, une fois de plus, la preuve est faite. J'ai dit 45 mètres de haut. Anne-Laure ne me croyait pas. Voilà. Ah ben, voilà. Mais moi, je voulais vérifier. Vous voulez vérifier. Bah oui, parce que de temps en temps, il fabule, il me dit 45 mètres. Je dis, vous avez toujours tendance à exagérer. Frédéric, voilà. Une question. Oui, donc en fait, c'est un triple tour hein, qui démarre piano, oui. Puis qui accélère au deuxième tour, et puis à la troisième, au troisième passage, ça va à 100 à l'heure. Voilà, ouais. Donc ça a d'accord. Une sensation en gradation qui est écoutez, impressionnante. C'est un investissement de 8,5 millions d'euros, quand c'est un même, gros c'est bazar. Pas, et alors l'attraction, rien. Ce qui est incroyable, a déjà reçu un prix. L'attraction oui, a déjà reçu un prix à Orlando avant même d'être finalisée, tellement elle est innovatrice. À tester alors, dans les prochains jours. La construction a duré un an, puisque le premier coup de pelle a été donné en avril 2015. Donc c'est une société belge d'ailleurs qui a construit, c'est une construction belge sur un concept allemand. Et vous savez, les Allemands, ils sont très forts pour les roller coasters et tous ces trucs-là, oui, effectivement. Ce genre de trucs. Bah, à tester cet été à Walibi. 70 secondes. Dans les prochaines minutes avec vous, les images à la télé dans deux jours et puis on rappelle que le prix d'entrée à Walibi ça coûte quand même un bras pour toute la famille donc prenez votre mal en patience et prévoyez des tartines et bonne excursion à tout le monde. À tout à l'heure à la télé à Nord avec un brushing et les cheveux dans tous les sens. On fait comme ça. Dans quelques minutes nous on se plonge dans la page Facebook pour lire les coups de gueule. Bonjour, c'est Jean-François Gilet. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Dès le 10 juin sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec l'équipe de Complètement Foot. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'éco-quartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à conditions. Vivacité présente. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Fermes ouvertes, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays pour vous mettre l'eau à la bouche. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le cabas de fruits de saison contenant 1 kg de pêche, de nectarines, de kiwis, d'oranges et un ananas pour seulement 6,99€. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés, horaires en magasin. Il y a des nuits où je rêve de prendre un break. Sable blanc, mer transparente, les enfants qui jouent avec des cerfs-volants grands comme des deltaplanes. Et en plus, j'y vais en Mercedes. Ah, et puis au réveil, on me dit que l'Ignoca offre des conditions exceptionnelles sur les Mercedes Break de seconde main. Alors, I take a break. L'Ignoca. Bye Mercedes-Benz. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Chez Nearly New Car, il y a déjà une Mercedes classée Break à partir de 17 500€. Dès que Break, surfez sur nnc.be. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Under the lights when they're Il y avait un slip trop serrant. C'était Justin Timberlake. Mais vous aussi, vous pourriez faire Justin Timberlake. Tu veux? Je vais réfléchir. Je vais y réfléchir. Vivacité et la Une présente les Belgian Air Force Days. Les 25 et 26 juin, pour les 70 ans de la Force aérienne, la deuxième Wing Tactique de Florennes vous ouvre ses portes. Patrouille acrobatique, avions d'hier et d'aujourd'hui, hélicoptères, expositions, animations. Info, belgianairforcedays.be. Avec l'avenir et Canal C. On n'est pas des pigeons. Comme chaque jour, en fin d'émission, direction la page Facebook pour y lire le coup de gueule. Il est collectif aujourd'hui, le coup de gueule. Oui, c'est Alain et Victor qui se plaignent sur notre page Facebook d'une promo chez Lidl qui annonce du poulet en barquette, 1 plus 1 gratuit. Donc la pièce, c'est 2,69 €. Oui. Mais à la caisse, vous payez quand même 5,38 € si je cherchais l'erreur. Et vous avez posté vous-même la réponse de Lidl. C'est Alain qui a fait ça. Puisque Lidl s'excuse, a mis un petit mot dans son magasin, je suppose. La photo n'est pas très claire à ce sujet. Où ils s'excusent, où ils disent qu'ils ont fait une erreur, mais que les clients doivent effectivement payer les deux barquettes. Ah, oui, mais attendez, là, alors là, on peut s'emparer du dossier et traiter ça dans les prochains jours. Mais parce que le prix est affiché, ils l'ont communiqué. À la limite, c'est légal. Je suis désolé, mais sur ce coup-là, c'est légal. Il faut appeler Patrick Ridermont qui fait coup la pub. Coup de fil demain, on prend ça en charge. Coup de fil là demain chez Lidl. On va voir un peu comment il s'explique. Si vous avez d'autres choses à nous dire, c'est sur la page Facebook que ça se passe, mais vous pouvez aussi contacter la rédaction via d'autres moyens. Oui, via le mail pigeon@rtbf.be et puis notre répondeur 070 222 660. Direction le studio télé pour vous retrouver, ce sera ce soir sur la Une à partir de 18h30. Si vous restez à l'écoute de Vivacité, évidemment que vous allez rester à l'écoute de Viva, c'est Sylvie qui prend le relais, la vie du bon côté, on parle sexualité. Voilà, main dans la main, je reprends le relais en effet, la sexualité après la retraite et le syndrome du nid vide. Voilà le double thème de cette émission avec bien sûr Yves Psalti. Ça va Yves ? Ça va Sylvie. Vous savez qu'hier, il y avait Sophie Favier à votre place. Ah bon ? Vous voyez qui elle est ? Oui, je vois qui elle est. Je vais parler de vous en plus. Ah ! Elle ne vous connaît pas encore. Ah ! Mais elle aimerait bien faire votre connaissance. Parce qu'elle a dans son livre, elle a un chapitre consacré à la sexualité après 50 ans. Donc hier, on a déjà un peu abordé le sujet. Sachez que pour elle, no problemo. Ok. Ça se passe relativement bien. Relativement, ok. Non, ça se passe, elle peut ne pas dire, aussi, ça se passe hein. Bien. Oh, il y a toujours moyen d'améliorer. Ouais. Donc on va parler de ça aujourd'hui, la sexualité après la retraite et le syndrome du nid vide. Voilà, parfois peut-être que l'un ne va pas sans l'autre, c'est une nouvelle étape dans la vie et de nouvelles possibilités qui s'offrent à ces personnes qui traversent cette période-là. On va donc leur donner des conseils qui les aideront à prendre ce nouveau départ du bon côté. Donc le syndrome du nid vide, c'est bien évidemment cette image symbolique quand les enfants quittent le nid. Le dernier enfant, oui. Et que les personnes se retrouvent seules à la maison, voilà. Est-ce que ça resserre les liens du couple ou au contraire, est-ce que ça distance, est-ce qu'on prend de la distance ? Qu'est-ce qui change peut-être lors de la retraite, lors du départ à la retraite ? quand on vit en couple, ou qu'est-ce qui ne change pas ? Parce que voilà, c'est peut-être pas difficile pour tout le monde, hein, donc on n'a pas dit ça non plus. Il y a peut-être des difficultés qu'on va envisager. Et qu'est-ce qui change ou pas lorsque le dernier enfant quitte le nid ? Comment bien préparer tout cela et surtout ressouder, resserrer les liens, parce qu'on peut les resserrer évidemment à tout moment dans sa vie. On vous demande de prendre la parole à ce sujet. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 si ça vous est arrivé, si ça vous arrive, que le départ à la retraite, que le syndrome du nid vide, vous l'avez vécu et que vous avez mis en place quelque chose pour justement resserrer les liens du couple et surtout au niveau sexuel, puisque c'est avec Yves Psalti qu'on va faire l'émission. Ce sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis que voici. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, eh bien, on retrouve une chaleur lourde et orageuse et des orages commencent déjà à se développer. Cet après-midi, on sera vigilant car il pourrait avoir toujours ce côté violent avec de fortes pluies, de la grêle, quelques rafales de vent. Les maxima, 22 degrés en Ardennes, 26 sur Bruxelles, 28 du côté de la Campine. Les averses orageuses vont s'évacuer la nuit prochaine et demain, on retrouvera déjà un temps plus sec sur le nord. Par contre, encore quelques averses sur le sud. On change enfin de masse d'air. Jeudi et vendredi, on parlera d'un temps sec et ensoleillé avec des maxima de 18 à 22 degrés. Merci d'écouter Vivacité. Il est 13h. La boîte noire du train passager retrouvée à Saint-Georges-sur-Meuse sur les lieux de l'accident de train qui a fait 3 morts et 10 de blessés. L'évacuation des 2 derniers wagons a lieu en ce moment. Des magistrats, des greffiers, des huissiers d'audience qui s'arrêtent symboliquement de travailler pendant 1 demi-heure. Ça s'est passé dans tous les palais de justice.